la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'aventure, est-ce vraiment l'aventure ? Oui, nous allons parler d'aventure, mais avant, je vais brièvement évoquer la physique d'une façon qui n'est capillotractée qu'en apparence. On dit souvent de la physique qu'elle est une législation invariable des métamorphoses. Lorsqu'elle s'applique à des processus qui ont une évolution, elle les décrit en effet à partir de lois, de règles, d'équations qui sont indépendantes du temps. Sa démarche vise donc à exprimer le devenir à partir d'éléments qui échappent au devenir, à décrire des histoires à partir de règles qui sont, mais qui ne deviennent pas. En somme, la physique prédique toujours ce qui arrive à quelque chose qui demeure. L'histoire du problème du mouvement des corps illustre bien cette démarche. Toute l'affaire s'est jouée entre deux concepts, celui de changement d'une part, celui de mouvement d'autre part. S'il s'agit d'un changement, alors le mouvement doit être compris comme une transformation de ce qui se meut. Il y a modification incessante du mobile qui passe d'un lieu à un autre. Une telle approche est pour l'essentiel celle que proposaient Aristote et la physique d'avant Galilée. Le mouvement est considéré comme un processus, un devenir dans et par lequel se constituent, s'actualisent et s'accomplissent les êtres. Mais avec Galilée, on a fini par substituer au concept de changement celui de déplacement. Se mouvoir, ce n'est plus changer de nature, c'est seulement changer de lieu. Le mouvement est devenu simple déplacement dans un espace homogène, abstrait, fort différent de l'espace concret du cosmos des anciens. En se déplaçant, le mobile ne se métamorphose plus. Il ne fait que changer de position. Le mouvement peut alors, comme le repos, se conserver indéfiniment de lui-même. Il n'est qu'un état. Ce qui caractérise le mouvement inertiel de la mécanique classique est d'ailleurs qu'il ne s'y passe rien, qu'il est comme s'il n'était pas. Certes, il s'accomplit dans l'espace et dans le temps, mais sans que le mobile soit affecté par eux. C'est cette transformation du mouvement en simple déplacement échappant à l'historicité qui a permis de le faire entrer dans le champ de la mathématisation. Quel rapport avec l'aventure, me direz-vous, c'est-à-dire avec le thème de notre émission d'aujourd'hui? Eh bien, il en existe un qui tient en ce que notre conception de l'aventure interroge le lien que nous pensons établir avec l'espace, avec le temps, avec l'inertie, avec la mort, lorsque nous prétendons partir à l'aventure. Ne faisons-nous alors que nous déplacer dans l'espace-temps? Partons-nous à la rencontre de nous-mêmes? Cherchons-nous plutôt à être transformés ou métamorphosés par l'aventure? En d'autres termes, l'aventure relève-t-elle du changement ou du déplacement? Il me semble qu'à l'heure du tourisme généralisé et de l'aventure télé-réalisée, ces questions se posent avec une certaine pertinence. Car nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager, disait Samuel Beckett, qui s'empressait aussitôt d'ajouter « Nous sommes peut-être cons, mais pas à ce point-là ». Mais alors, à quoi reconnaît-on qu'une aventure est vraiment une aventure? Pour le savoir, j'ai invité Pascal Ayoun, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes normalien de la rue d'Ulme, agrégé de lettres modernes, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques au lycée Charlemagne à Paris. Et si je vous ai invité, c'est parce que l'aventure est le thème qui a été choisi ces années pour les concours aux grandes écoles scientifiques. Alors, ma première question portera sur votre activité d'aujourd'hui. Vous enseignez la littérature en classe préparatoire scientifique. Est-ce que c'est pas une sorte d'aventure? C'est une grande aventure, autant pour le professeur que pour les élèves sans doute, puisque il y a là peut-être une surprise pour ceux qui sont des profanes ou qui regardent ça de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on pense qu'il y a un gros enseignement, une grosse charge de travail sur des matières comme les mathématiques, la physique, la chimie, et que on demande en plus à ces élèves qui bossent dur de lire trois œuvres, souvent de grands classiques, des œuvres exigeantes, de travailler un thème qui est un thème philosophico-littéraire. Il y a là, bien sûr, quelque chose qui est peut-être impensable pour certains. Moi, j'ai des collègues étrangers, par exemple une collègue qui est professeure d'université en Argentine et qui est en admiration devant ce système. Je pense que ça relève de l'héroïsme. C'est héroïque, complètement héroïque. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que cette aventure, elle est vite assimilée quand même, hein, par les élèves. Et il n'y a pas du tout même de contestation au fond. Et que je pense que ces 2 heures par semaine, ce ne sont que 2 heures de cours. Même si à côté, il y a un temps de travail plus important. Ces 2 heures sont les bienvenues, même pour les élèves, hein. Mais qu'est-ce que les élèves en question, qui sont destinés plutôt à des carrières scientifiques, d'ingénieurs notamment, quel rapport ont-ils avec la littérature? Est-ce que c'est un supplément d'âme, simplement une épreuve de concours, un divertissement par rapport aux sciences, ou est-ce que ça interroge aussi leur propre existence? Alors, ça interroge, je pense, leur propre existence, parce que je trouve que le programme tel qu'il est conçu dans ces concours scientifiques est intelligent quand même, hein. C'est-à-dire qu'il c'est un thème donc qui chaque année change. Cette année l'aventure, l'année dernière imaginez servitude et soumission par exemple. D'autres années le mal, la justice, la parole, l'argent, bon. Et nécessairement ils sont amenés à réfléchir sur eux-mêmes à travers ces thèmes-là. Donc il y a ce thème qui change chaque année et qui est accompagné de 3 œuvres, une œuvre philosophique et 2 œuvres littéraires. Donc cette année, l'aventure, avec un texte philosophique qui sert d'éclairage, qui est le texte de Vladimir Jankélévitch, publié en 1963, L'aventure, l'ennui, le sérieux, et 2 œuvres littéraires, alors vraiment des monuments, hein. On a L'Odyssée d'Homère et on a Au cœur des ténèbres de Conrad, voilà, qui est... Alors, on va parler de ces œuvres, mais qui est en fait aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le premier texte donné comme texte de socle, hein, en première année d'université. Hein, c'est-à-dire qu'Au cœur des ténèbres est devenu le grand classique vraiment aux États-Unis pour ce texte fondamental qu'il faut absolument connaître. Alors, Pascal Hinault, on va revenir sur ces 3 œuvres que vous venez de citer, mais avant, je voudrais revenir aux étudiants dont vous avez la charge. Est-ce qu'ils vivent les concours qu'ils passent, l'année de préparation, les 2 années de préparation, elles-mêmes comme des aventures, ou est-ce que ce sont simplement des projets? Alors, je préfère qu'on parle de ça quand on aura peut-être davantage élaboré le concept, hein, parler de ce que c'est que l'aventure, parce que justement, on peut ensuite faire un retour, hein, sur expérience. Mais attendons un peu peut-être. Alors attendons et revenons sur les œuvres. Ouais. Est-ce qu'on peut en donner un résumé? Alors, L'Odyssée d'Homère, on l'a tous plus ou moins lu, même si c'est un gros livre. Oui, alors en plus on a les 24 chants, hein, intégraux. On n'a pas simplement à travailler sur l'Odyssée elle-même, hein, mais il y a toute la deuxième moitié, hein, qui porte sur le retour à Ithaque et le combat contre les prétendants. Et donc, l'Odyssée, c'est après la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons veulent rentrer à Ithaque. Hein, en fait, il n'y a aucun projet de vagabondage, il s'agit de rentrer à la maison. Il n'y a pas de désir d'aventure. Aucun désir d'aventure, apparemment, mais on va voir que peut-être l'occasion fait le larron, hein, c'est justement ça qui est intéressant. Et en fait, le problème, c'est que Ulysse et ses compagnons oublient de faire un ultime sacrifice aux dieux avant de quitter Troie. Et la première punition, justement, c'est que le premier pillage, parce que tout ça n'est pas fini, hein, on quitte le massacre, on quitte la guerre, mais on continue quand même dans la violence. Et donc on va aller piller un allié de Troie qui n'est pas très loin, et ça se passe mal. C'est-à-dire ça se passe mal parce que les dieux ont décidé qu'il y avait là un sacrilège. Les compagnons d'Ulysse et Ulysse ont oublié ce sacrifice. Et donc il y a une première punition, et ça va être le départ, en quelque sorte, de cette aventure, puisque ils seront constamment amenés à dériver, à déraper, à ne jamais retrouver le chemin pourtant si simple, hein, d'Ithaque. Mais c'est les dieux qui les empêchent de retourner à Ithaque. Oui. Qui pilotent l'aventure, en fait. Voilà. Donc, alors, ils sont des instruments involontaires. Ulysse et ses compagnons sont manipulés, en quelque sorte, par les dieux. Les dieux qui, justement, s'ennuient sans doute un peu. Athéna, par exemple, qui est la grande alliée d'Ulysse, se régale, hein, à l'accompagner, à le métamorphoser. Les dieux n'ont pas droit parce qu'ils sont éternels, hein, ils sont immortels. Ils n'ont pas droit à l'aventure, en fait. On verra, hein, qu'avec Jankélévitch, l'idée de la mortalité est essentielle à la définition. Donc, ils n'ont pas ce projet d'aventure, mais voilà, le désir est quand même là. Ulysse, par exemple, quand il arrive sur l'île du Cyclope, participe au ravitaillement, donc on trouve de la nourriture, on est prêt à repartir. Les compagnons d'Ulysse, qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer, encore plus que lui sans doute, l'appellent et lui disent « Allez, on repart ». Et Ulysse a la curiosité de s'aventurer justement à l'intérieur de l'île. Et c'est là que va avoir lieu cette rencontre si célèbre avec le Cyclope, qui va déboucher sur cette ruse qu'on connaît, puisque il prétend s'appeler Personne. « Je m'appelle Personne », dit-il au Cyclope. Lorsque les autres Cyclopes viennent à la rescousse et qui lui disent « Que se passe-t-il ? Personne essaye de m'attaquer », répond Polyphème. Donc si Personne essaye de m'attaquer, il n'y a pas de problème. Les Cyclopes rentrent chez eux. Et à ce moment-là, évidemment, ça se passe mal parce que Ulysse a un sursaut d'orgueil et donne son vrai nom. Je m'appelle Ulysse. Poséidon, le père de Polyphème, va enclencher à ce moment-là une vengeance, puisque Polyphème, vous connaissez l'épisode de l'œil percé, et Poséidon va à ce moment-là enclencher cette vengeance, si on veut dire, cette punition, qui n'emmènera pas Ulysse à la mort, ses compagnons oui, mais Ulysse devra dériver 10 ans avant de rentrer à Ithaque. Et voilà, c'est comme ça que cette aventure se déroule. Alors, c'est une aventure pour nous, oui, parce qu'il passe d'île en île, de surprise en surprise, mais il n'y a pas ce désir d'errance. À chaque fois, ce qui compte pour lui, c'est le retour. Et d'ailleurs, Jean Kelevitch, on reparlera de lui tout à l'heure, mais Jean Kelevitch, finalement, a ce regard un peu ironique et un peu critique sur Ulysse. Et il dit, au fond, Ulysse n'est pas du tout tenté par le mouvement, il est tenté par la halte. Que ce soit la halte à Ithaque, ou même pendant le périple, s'arrêter chez Circé 1 an, s'arrêter 7 ans chez Calypso. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est s'arrêter plus que se déplacer. Il fait des pauses. Jean Kelevitch dira même que Ulysse est un aventurier bourgeois. Bon, il y a entre guillemets un embourgeoisement d'Ulysse, on va dire, chez Jean Kelevitch. Donc, deuxième œuvre, quand même, continuons, c'est Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres, donc Heart of Darkness, le grand roman de Conrad, publié à la toute fin du 19e siècle, et qui est en fait un des grands romans de l'aventure coloniale ou de la déconstruction de l'aventure coloniale, une sorte d'anti-roman d'aventure en réalité, c'est-à-dire que cette aventure coloniale, justement, puisque... Bon, on est au Congo, le personnage de Marlowe, qui est un véritable marin, un véritable aventureux, qui a ce goût comme ça du départ, et qui est habitué en général aux grandes expériences en haute mer, va tenter quelque chose de nouveau, c'est pour ça que c'est une aventure pour lui. Il va tenter le continent et il va tenter l'eau douce, c'est-à-dire le fleuve. Et donc, il va découvrir à l'occasion d'une mission qu'il décroche, et on lui demande de ramener un agent de la compagnie belge, un agent dont on n'a plus trop de nouvelles, qui est un collecteur d'ivoire et qu'il faut ramener en Europe. Et à cette occasion-là, donc il va faire l'expérience du mystère, en fait, l'expérience de l'inconnu et l'expérience de l'horreur, puisque au fond, ce qu'il va découvrir, c'est toute la violence qui est cachée derrière cette opération, soi-disant éclairée par les lumières philosophiques et humanistes. Et cet anti-roman d'aventure, pourquoi anti-roman d'aventure ? Parce que finalement, tout est plutôt minable, tout est plutôt désespérant, ça ne fait pas rêver. Il y a beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Et malgré ça, eh bien, le lecteur est pris quand même dans une brume, dans une atmosphère énigmatique. Et puis il y a ce personnage, nous avons tous en tête Marlon Brando dans l'adaptation qu'en a faite Coppola Apocalypse Now, qu'il déplace au Vietnam. Mais le personnage de Kurtz, qui est donc ce personnage dont on n'a plus de nouvelles, ça s'avérera un personnage étrange, une sorte de tyran qui a réussi à soumettre des autochtones Platone et a sans doute développé des rituels dont on ne sait pas grand-chose, hein, puisque Conrad travaille vraiment sur le mystère jusqu'au bout. On n'aura pas de détails. Et alors, on n'aura pas de détails aussi peut-être pour une autre raison, c'est que le public, au fond, le public savait d'une certaine manière, le public britannique, entre autres, savait ce qui se passait réellement. On sait très bien que les sociétés de géographie et autres avaient un discours qui était finalement ouvertement raciste, même si c'était habillé de tout un langage humaniste et généreux. Mais le public, au fond, savait ce qui se passait et au fond, on n'avait pas besoin de rentrer dans les détails. C'est pour ça que finalement, le détail de l'horreur, on ne l'a pas. Par contre, on a sa suggestion en permanence. C'était implicite. C'était implicite. Et alors, est-ce que l'œuvre de Jean Kélévitch permet de comprendre ses œuvres? Est-ce qu'il y a un point commun qui permet de dire, dans les deux cas, il y a de l'universel dans l'aventure? Oui, alors, ce que fait Jean Kélévitch, c'est qu'il a une approche quand même qui est tout à fait insolite. Bon, alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que l'aventure, c'est pas un concept traditionnel de la philosophie. Hein. Mais bon, en même temps, la philosophie, c'est pas un grand panier dans lequel on pioche des mots qu'on n'a pas traités et qu'on va traiter pour faire du neuf. Donc, en fait, ce qu'il faut partir, c'est d'une expérience, d'un vécu. Alors, Jean Kélévitch part de l'expérience du présent. Comment est-ce que nous nous rapportons au temps et notamment au présent? Et il distingue trois manières de se rapporter au temps, puisque pour lui, l'aventure va être une de ces trois manières. Vous voyez, l'aventure n'est pas une modalité de l'action, ce qu'elle est quand on pense à l'aventure. Hein. L'aventure, c'est faire un projet de départ dans des contrées lointaines, donc à préparer les outils, préparer l'habillement, se déplacer, choisir les modes de locomotion, etc. Là, c'est pas ça. Le point de départ, c'est je suis dans un rapport au temps qui est un rapport au temps qui m'englue dans le présent. Je suis, donc c'est ce qu'il appelle l'ennui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une perspective d'avenir à laquelle je ne crois pas, l'avenir est disqualifié, donc je suis ramené à un quotidien dans lequel je m'embourbe, hein, qui est une sorte d'intervalle, comme il dit, dans lequel on s'englue. Et puis, voilà, si on a cette capacité de convertir son regard et de développer cette disposition d'esprit aventureuse, alors qui est acquise ou innée, ça je ne sais pas. En tout cas, on a du coup un rapport au présent qui va être un rapport tendu vers l'avenir, tendu vers la nouveauté, un rapport où on guette, hein, on guette le surgissement de la surprise, l'avènement de l'événement, comme il dit, hein. C'est-à-dire que l'important n'est pas l'événement en lui-même, puisque l'événement est déjà la fin de l'aventure. C'est le moment juste avant, hein. C'est être sur le seuil, être ni dedans ni dehors. Avec donc cette idée que l'aventure, c'est justement ce nœud de contradiction, comme il le dit. À un moment, d'ailleurs, il dit même « comprenne qui pourra hein. ». On est dedans et dehors à la fois. Notre monde rationnel et notre langage rationalisant nous empêchent de le comprendre, mais on peut être à la fois dedans et dehors. C'est le cas de l'expérience alors, de l'aventure. Pascal Ayoun, nous sommes justement au moment où va surgir un futur qui n'est pas complètement inattendu, puisque c'est le morceau de musique que vous avez choisi en numéro 1. D'accord. Thank you. Pascal Ayoun, vous avez choisi le troisième mouvement de la sonate numéro 7 de Prokofiev. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce morceau et puis le concept d'aventure tel que défini par Jean Kélévitch? Alors, si vous voulez, ce que je trouve formidable dans ce morceau, c'est que on avance, et on ne sait pas vers où on va. C'est-à-dire que vraiment, il y a une attente. Hein. Enfin, moi, je l'écoute comme ça. En tout cas, je guette le moment, non pas où ça va se finir, mais je guette ce qui va y avoir après. Après chaque note, je me dis vers où ça va. Alors, il y a ce petit motif là qui revient de deux notes là. Mais en dehors de ce petit fil rouge, on est projeté. Je trouve que c'est un mouvement qui nous projette vers la surprise. Et puis ce côté percussif qui m'évoque justement ce que Jean Kélévitch considère comme un élément définitoire de l'aventure, c'est-à-dire le risque de mort. Alors là, j'ai l'impression qu'on est tout le temps au bord d'un abîme, on a un peu le vertige, on est sur le fil hein, avec un morceau comme celui-là. Et d'ailleurs, c'est aussi, je trouve, une œuvre très risquée à interpréter. Et Grigori Sokolov, qui est donc le plus grand pianiste russe, qui est au Théâtre des Champs-Élysées, a interprété cette sonate qu'on vient d'écouter prend un risque énorme. Alors, vous me direz, c'est peut-être naïf, mais je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas un pianiste. C'est pas un risque de mort quand même. C'est pas un risque de mort, c'est peut-être un risque d'effondrement prématuré. Mais voilà, donc il y a ça. Et puis la deuxième raison, c'est que Prokofiev est russe et que j'ai personnellement beaucoup connu la Russie. J'ai été plusieurs fois en Russie pour mon travail. Et parce que avant d'être professeur, j'étais responsable d'un département de sciences humaines dans une école d'ingénieurs justement. Et j'organisais entre autres des stages à l'étranger pour les étudiants. Et j'ai donc connu un Moscou entre 1989 et 1993-94, c'était une URSS qui basculait. Et voilà, on a fait des choses surprenante, étonnante. On a envoyé des étudiants travailler dans les ateliers de teinture du Bolchoï. J'ai rencontré des gens magnifiques. Il m'est arrivé des histoires invraisemblables, ou en tout cas qui, à mes yeux, le paraissaient à l'époque. Et voilà, c'est un peu toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce morceau. Alors, on a parlé un petit peu de la mort. Est-ce que l'aventure suppose l'envisagement, sinon de la mort, du moins de la possibilité de la mort, le risque de la mort? Jean Kélévitch dit « La mort est le précieux épice de l'aventure ». Oui, avec cet étrange masculin. On peut prendre la question dans l'autre sens, est-ce que les immortels pourraient vivre des aventures? Alors, il dit que non, les anges justement n'ont pas cette chance, et les anges d'ailleurs meurent de ne pas mourir, hein, dit-il à un moment donné, ils meurent de ne pas mourir, c'est-à-dire que l'ange est condamné à une espèce de d'ennui. C'est d'ailleurs finalement Calypso qui est elle immortelle et qui propose à Ulysse l'immortalité, se voit opposer un refus alors qu'elle est la nymphe bouclée, qu'elle est la belle et sensuelle rencontre. Mais très vite, justement, l'ennui s'installe sur cette île et dans ce lit, hein, puisque elle a toujours autant d'ardeur, hein, alors que lui est explicitement présenté par Homère comme n'ayant plus d'ardeur et attendant le moment où il pourra repartir vers Ithaque. Donc, l'immortalité n'est pas du côté de l'aventure, bien sûr. Et peut-être, d'ailleurs, ce qui se passe, pourquoi est-ce que Ulysse refuse, au fond, l'immortalité que lui propose Calypso? C'est parce que l'épisode de Calypso arrive après une série déjà d'étapes aventureuses un peu partout, et il a peut-être pris le goût de ça, et il se rend compte que finalement être mortel, c'est aussi avoir la chance de vivre des choses que les immortels ne peuvent pas vivre, puisque Calypso visiblement n'a jamais quitté son antre. Et finalement, bien être mortel, c'est peut-être la mort qui est au bout, mais en même temps l'occasion d'avoir le cœur qui bat, puisque ce cœur qui bat, c'est une expression que... Mais alors finalement, l'aventure serait une sorte d'antidote à l'ennui. Voilà, c'est la formule de Jean Kélévitch, l'antidote de l'ennui, c'est-à-dire que Vivre le présent sur le mode de l'ennui, c'est être englué dans un intervalle, alors que l'aventure est une concentration. L'aventure, c'est un point. L'aventure, c'est pousser des pointes vers les extrémités, hein, alors que dans l'ennui de l'englument, on s'écoule, hein, on se vide en quelque sorte. Et l'aventure a quelque chose d'extrême qui vous pousse vers les marges. Hein. C'est pour ça que peut-être on bascule vers un abîme possible. Il y a un surgissement de l'avenir qui est imprévu. Voilà. Et est-ce que l'aventure qui est toujours associée à quelque chose d'assez grand, on parle de grandes aventures, il y a les notions de taille, est-ce qu'on peut parler d'une aventure qui serait infinitésimale? Oui, c'est d'ailleurs le point de départ de la réflexion de Jean Kelevitch. Il y a cette espèce d'aventure type, la quintessence de l'aventure, c'est l'aventure infinitésimale, c'est-à-dire ce moment précisément, hein, c'est le moment, l'aventure infinitésimale, l'aventure minute, c'est cet instant du seuil, hein, où l'on guette le surgissement du nouveau. Et toute la question, c'est comment faire pour que cette aventure minute, qui est la plus intense, puisque finalement, l'aventure, au sens le plus fort du terme, c'est ce moment d'avant l'événement. C'est-à-dire, c'est avant que l'aventure elle-même n'apparaisse, on est dans le plus intense. Et toute la question est, comment faire pour que cette minute se déploie en quelque sorte sur un intervalle qui va conserver l'intensité du premier moment, hein. Et c'est justement toute la structure de la dissertation en trois parties, là, si on peut dire, de Jean Kelevitch, de montrer que en fait il y a un risque de voir se polariser l'aventure sur le sérieux, un risque de la voir se polariser sur le jeu. Et que l'aventure authentique, c'est l'aventure qui oscille en permanence entre le jeu et le sérieux. Oui, on peut le citer, il dit « L'aventure est une parenthèse à l'intérieur du vécu, comme une sorte de madrigal ou de poème en vers, interpolé au milieu du texte prosaïque et sérieux de l'existence. » Oui, c'est-à-dire que l'aventure est une sorte d'enclave. L'aventure, c'est un peu ce qui nous permet de participer à l'art, dit-il. C'est-à-dire que, une sorte de disposition d'esprit, finalement. C'est une disposition d'esprit qui nous met en contact avec la création et avec l'art. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas des artistes, si nous vivons une aventure ou si nous vivons sur le mode de l'aventure, nous avons comme ça l'expérience de ce que peut être le rapport à l'art. Et en fait, l'aventure, c'est un peu, il a une belle image, il dit c'est un peu comme un musée au milieu d'une ville. La ville est faite d'institutions, l'école, l'hôpital, le palais de justice. Et puis il y a au milieu, on se balade en bus et puis on va passer devant la pyramide du Louvre. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas absolument utile, hein, et qui est le musée, ce serait l'élément d'aventure dans l'espace urbain, si vous voulez. Voilà. Et l'aventure, c'est comme cette enclave. Il a une autre image qui est assez amusante. Il dit l'aventure, c'est comme la principauté de Monaco enclavée dans les Alpes-Maritimes. Hein. Monaco, ce serait l'espace du jeu, ce serait l'espace de l'idylle, ce serait l'espace de la romance. Voilà. Et en fait, c'est dans le sérieux du département se trouve cette enclave qu'il a envie d'appeler, d'ailleurs, il dit une exclave. Hein. Parce qu'il y a cette idée aussi, hein, que l'aventure est extraterritoriale. Comme il dit, tout ce qui commence par ex ou extra correspond bien à l'aventure. Et l'aventure, c'est donc ce qui est à la marge. Mais voilà, et là c'est quand même une idée importante qui est au-delà de ce que dit Jean Kelevitch, qui est, je trouve, intéressante en soi. C'est que la véritable aventure, elle est à la fois extraterritoriale, elle est ce qui est en marge de la vie quotidienne, mais elle est aussi ce qui retentit le plus sur le quotidien. C'est-à-dire qu'elle est à la fois l'île, mais elle est plutôt la péninsule, comme dit Jean Kelevitch. Ce n'est pas l'île. Parce que l'île, c'est par exemple, oui, c'est la conquête amoureuse façon Don Juan. C'est-à-dire qu'on multiplie les îles, on passe d'île en île, de femme en femme. Alors que la grande aventure amoureuse, c'est la troisième partie du texte de Jean Kelevitch, l'aventure amoureuse, c'est justement quelque chose qui va nous mettre en contact avec le plus essentiel. Hein. Alors le problème, c'est que si je suis comme ce petit fonctionnaire qui un beau jour rencontre un sourire, et ce sourire va chambouler toute sa vie, alors qu'est-ce qui se passe? Ou bien j'amène ce sourire à la mairie, et donc j'embourgeoise cette rencontre, et c'est la mort de l'aventure. Ou alors j'en fais quelque chose qui est une pure un pur moment, voilà, et puis que je vais oublier, et ça n'est pas mieux. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ce sourire se maintienne et me maintienne dans un état d'intensité sur la durée. Et voilà, alors après ça devient le problème des magazines moyen de gamme, comment faire durer la magie de la première minute. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Mais est-ce que l'aventure suppose, pour être une véritable aventure, d'être choisi ? On peut vivre des aventures qui sont imposées par les circonstances. Voilà. Donc, est-ce que c'est toujours un choix ou pas ? Voilà. Alors, Jean Kilevich suggère un moment, mais c'est pas cette dimension qui l'intéresse. Il dit, bien sûr, l'aventure peut nous tomber dessus, et puis on l'assume ou pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plus l'aventure qu'on déclenche librement, parce que l'aventure, c'est justement l'occasion de faire l'expérience de la liberté. Mais une fois qu'on est engagé, on assume les conséquences. Si je décide de faire l'ascension de l'Himalaya, je ne suis pas obligé de le faire. Hein. Je suis obligé de payer mes impôts, comme il dit, mais je ne suis pas obligé de gravir l'Everest. Mais si je me lance là-dedans, ensuite, à 5000 mètres, si une tempête surgit, ben, il faudra que j'assume les conséquences. Ça peut devenir mortel. C'est comme ça que l'aventure peut devenir de l'aventurisme, d'ailleurs. Mmh. Un peu comme la colonisation a peut-être... c'est un peu ce que montre Conrad, hein, l'aventure coloniale est vite devenue un aventurisme avec quelque chose qui débouchait sur la fameuse horreur que Kurt exprime en expirant. Mais on a l'impression que Jean Kilevich n'aime pas beaucoup les aventuriers. Il préfère les aventureux. Voilà. Est-ce qu'on peut être aventurier professionnel ? Oui, alors si vous voulez, la définition existe. D'ailleurs, le premier sens d'aventurier, hein, les aventuriers au départ, c'était le nom qu'on donnait aux mercenaires et ensuite aux corsaires. Hein, c'est-à-dire que c'était une sorte de statut. Hein, on partait à l'aventure. On partait à l'aventure, mais on avait aussi quelque chose à ramener. On avait une mission, hein, on avait une fonction. Alors que l'aventureux est précisément celui qui n'a pas de but. Hein, il n'a pas de but. Alors Jean Kilevich dit oui, il est motivé au fond par l'idée de tester, de tenter la mort. C'est-à-dire que voilà, l'idée de la mort est peut-être ce qui motive au fond inconsciemment celui qui part à l'aventure. Mais le véritable aventureux, c'est celui qui, un peu comme l'arlequin russe que l'on voit dans le roman de Conrad, c'est celui qui est le véritable errant, celui qui ne va pas chercher un trésor, qui ne va pas conclure une mission, mais celui qui va être tout le temps en partance. Il est toujours débutant. C'est presque le contraire de l'aventurier, dont Jean-Yves Tadier, dans un livre qui s'appelle Le roman d'aventure, dit que l'aventurier est celui qui produit de l'aventure comme le charcutier de la charcuterie. Voilà, et Jean Kilevich dit lui-même, comme l'épicier vend sa moutarde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Un commerce à la clé, on peut gagner de l'argent, on peut faire du profit par l'aventure, mais ce qui intéresse Jean Kilevich, c'est cette disposition d'esprit, c'est cet état aventureux et cette disposition constante à la surprise et au départ, puisque ce qui est formidable avec l'aventure, c'est qu'on se sent chaque fois jeune, on se sent chaque fois redémarré. L'aventure a quelque chose à voir avec les origines. Remonter le Congo, comme le fait Marlowe à la recherche de Kurtz, c'est aussi remonter dans le temps. Hein, et l'aventure est un déplacement dans l'espace, mais qui est aussi, curieusement, une remontée dans l'histoire. Il a deux belles formules, Jean Kilevich, pour opposer l'aventureux à l'aventurier. Il dit « l'aventurier tient bazar d'aventure ». Et l'aventureux cherche à passionner le temps. Voilà. Alors on voit bien que ça s'oppose. Oui, et puis j'aime beaucoup cet emploi en construction directe là, du verbe passionner. Passionner le temps, c'est-à-dire mettre de la passion dans le temps, en fait. Hein, et pathétiser en quelque sorte sa vie, hein, en y mettant du pathos, en y mettant de l'intensité. Puisque finalement, l'aventure est ce qui permet de mettre de l'intensité dans un quotidien qui est précisément plutôt monotone, amorphe. C'est intéressant aussi cette idée de la forme et de l'informe. Le quotidien serait Jean Kilevich le compare au désert informe et tout à coup surgit l'oasis qui donne une forme au cheminement dans le désert. D'un seul coup, on a ces palmiers, cette couleur qui vient structurer en quelque sorte le paysage, alors qu'on était dans de l'informe. Et si on ne choisit pas l'aventure, alors qu'est-ce qui reste, dit Jean Kilevich, finalement c'est un peu ça la leçon, entre guillemets. Ce qui reste, eh bien, c'est l'attente passive de la mort. Or la mort, en tant que néant, en tant que non-être, ne donne forme à rien. Ce qui va donner une forme, c'est précisément Donc la vie, c'est l'aventure. Voilà, alors c'est ça qui est finalement le plus intéressant, c'est que... Ou l'aventure, c'est la vie plutôt. On peut le dire dans les deux sens, à mon avis. C'est-à-dire qu'au fond, l'aventure, c'est la vraie vie. C'est ça. C'est-à-dire que l'aventure, c'est la vraie vie, non seulement parce que ça met de l'intensité et ça donne le sentiment de vraiment vivre, y compris par la douleur. C'est-à-dire que Ulysse, c'est celui qui sent son corps, qui a faim, qui a mal, et dans la vie quotidienne, on est peut-être un peu trop protégé, surtout dans cette Europe, hein, que Conrad évoque comme protégé, l'Européen est protégé entre l'agent de police, dit-il, et le boucher, c'est-à-dire qu'on est bien nourri, on est en sécurité, et on ne sent plus son corps, hein, c'est-à-dire que la santé et le silence des organes, eh bien l'aventure nous fait réentendre nos organes, hein. Donc ça, c'est un des premiers sens de cette idée que l'aventure, c'est la vraie vie. On se sent revivre, mais aussi tout simplement, c'est que l'aventure serait tout simplement en conformité avec ce qu'est le temps, c'est-à-dire constamment un mouvement vers le nouveau, hein. C'est le surgissement permanent du nouveau, et celui qui s'embourbe dans un présent éternellement identique à lui-même, c'est quelqu'un qui vivrait dans une illusion, parce que la réalité du temps, c'est la surprise, et non pas... Mais est-ce que la musique ne permet pas, de temps en temps, justement, de passionner le temps, comme vous diriez? La musique? Oui. Oui. Alors, on va écouter le second morceau que vous avez choisi. Voilà, c'est autre chose. On va voir s'il aide. C'est autre chose. Pascal Ayounkes, donc. Alors, c'est pas si différent de Prokofiev, finalement. Il y a quand même moins de surprises. Et je suis pas d'accord avec vous. Il y a du beat. Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec vous du tout, parce que justement, ce qui me plaît dans ce morceau, c'est qu'on avance, on avance, on avance. Il faudrait l'écouter jusqu'à la fin, peut-être, on le réentendra ensuite. Mais il n'y a pas de ce système de couplet-refrain. Non, on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. Et alors, cette chanson, moi, je l'ai découverte, c'est bien simple, le 31 août, je peux vous le dire, 1982, je venais de remettre à Jean-Pierre Richard, qui était mon directeur de maîtrise, ma maîtrise de lettres, qui portait sur la représentation de New York chez 5 écrivains français, Sartre, Beauvoir, Camus, Jules Romain et Paul Morand, des années 30 aux années 50, d'après leur récit de voyage, donc une sorte d'analyse de la vision de New York. Et j'avais donc rendu la maîtrise, et je pars à New York, que je n'avais pas vu, hein. C'est-à-dire que j'ai écrit cette maîtrise, j'ai rédigé ma maîtrise sans connaître du tout la ville. Et donc j'arrive à New York avec un ami pour la première fois, Et la première image que j'ai en descendant du taxi, c'est ce jeune noir avec son ghetto blaster sur l'épaule et cette chanson. Alors, comment j'ai retenu la chanson, c'est qu'en fait, pendant les 15 jours du séjour, on n'a entendu que ça dans la ville, du matin au soir, partout. C'était le tube du moment, mais en même temps extraordinaire, parce que c'est « beat the street hein, », c'est battre la rue, hein, c'est battre le macadam. Et cette avancée comme ça, de cette errance dans New York pendant 15 jours, et puis en même temps le début de la vie d'adulte, voilà, c'est le début de l'aventure. Hein. Et je ne savais pas que j'allais ensuite passer un an en Californie, 2-3 ans plus tard, et retourner. Alors justement, on va revenir à cette fameuse aventure qui est le sujet de notre conversation. Est-ce qu'on ne peut pas dire que toute aventure se déploie selon deux temporalités ? La première serait celle du présent, vous en avez parlé, de l'émotion, du suspense, de la joie, des douleurs, de la tension. Et la seconde serait celle du souvenir, c'est après coup. Donc la temporalité de la mémoire ou les événements passés se laisse voir autrement, sous d'autres angles et selon un autre spectre. C'est le temps des photos qu'on regarde après. Voilà. Voilà. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas dire que l'aventure, c'est une des rares choses qui soit capable de mélanger ces deux temporalités, de chauffer ponctuellement le temps jusqu'à des températures extrêmes, et ensuite de le nourrir après qu'il soit passé, de faire à la fois bouillir les instants présents et de féconder les mémoires sur de longues durées. C'est joli. Oui, alors c'est donc cette idée que l'aventure, en fait, n'est conscientisée en quelque sorte qu'après coup. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que quand je suis dans l'aventure, j'ai complètement conscience de vivre cela. Je dois d'abord régler des problèmes, hein, je dois affronter les tempêtes, je dois attendre, comme le fait Marlowe dans le roman de Conrad, que des rivets arrivent pour pouvoir réparer le bateau à vapeur. Je dois, lorsque je navigue sur le fleuve, éviter les hauts fonds. Enfin, j'ai pas le temps de me dire je suis en train de vivre quelque chose d'exaltant. Hein. Et donc, ce qui rend finalement le périple si intense, c'est peut-être le récit qu'on en fait après coup. Sauf que, comme Jean Kelevitch le dit, il faut quand même se méfier de l'après-coup. C'est-à-dire que si l'aventure devient trop esthétique, elle fait disparaître la dimension de risque. Hein, esthétique, ça voudrait dire qu'elle serait menée simplement pour être dite. Elle serait menée pour être dite et dans le confort du fauteuil bourgeois et de la cheminée. Et c'est le récit d'aventure. Hein, c'est-à-dire qu'on s'amuse à se faire peur, mais on s'amuse à se faire peur. Il n'y a plus de risque authentique. Donc c'est bien sûr le propre de l'aventure de n'exister que par le récit qu'on en fait. D'ailleurs, l'aventurier, comme dit Malraux, il a cette très belle expression qui est « tout aventurier est né d'un mythomane ». Hein, mais je crois que c'est sans doute vrai. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, quelque chose de consubstantiel entre l'aventure et la fiction, hein, au point que on peut finalement, par le récit qu'on fait de l'aventure, complètement manipuler son auditoire, hein, et rendre magnifique ce qui ne l'était peut-être pas. Et d'ailleurs, Marlowe, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre en Europe? Il va voir la fiancée de Kurtz, et quand il lui parle des derniers instants de son fiancé, et quand elle lui dit quels sont les derniers mots, puisque vous avez assisté à son dernier souffle, quels sont les derniers mots qu'il prononce, eh bien Marlowe, qui pourtant a horreur du mensonge, et il ne cesse de le répéter tout au cours du récit, va lui mentir et va lui dire « il a prononcé votre nom », alors que ce qu'il a prononcé, c'est « the horror », c'est-à-dire « horreur, horreur ». Mais il ne parlait pas d'elle. Alors, il ne parlait pas d'elle, sauf si l'horreur, c'est justement le retour au giron et au conformisme. Hein. Ça, c'est une autre affaire. C'était ce cocon qui l'effraie. Non, mais l'horreur, dans un premier temps, c'est d'abord l'horreur de la colonisation, c'est l'horreur du cœur humain, c'est l'horreur que la civilisation masque sous son vernis de culture et de rhétorique. Hein. Mais donc le récit peut magnifier quelque chose qui au fond était un peu sordide et voire terrifiant. Mais on a parlé de la taille d'une aventure, les grandes aventures, les petites aventures, les aventures infinitésimales même. Mais on parle aussi de la beauté d'une aventure. Qu'est-ce qui la fonde ? Alors l'aventure est belle si on a déjà un regard qu'on est capable de convertir de telle sorte qu'il va vous faire voir de la beauté là où il n'y en a peut-être pas en soi. Par exemple, je reprends évidemment Jean Kelevitch encore une fois, Jean Kalevitch dit qu'au fond, l'homme ordinaire, celui qui n'est même pas artiste, c'est-à-dire qui n'a même pas la création pour lui permettre de vivre chez lui l'aventure, eh bien, il suffit qu'il ouvre la fenêtre le matin et il peut s'émerveiller de la beauté du ciel, de la magnificence de la lumière. Ce qui fait que on peut voir de la beauté partout si on a cette disposition d'esprit, cette ouverture à la surprise et à la beauté. Sauf que, à ce moment-là, alors tout peut être aventure, donc l'aventure serait partout et elle serait nulle part. Et c'est ça le piège aussi de la notion. Est-ce que l'aventure, on a parlé du mouvement dans l'introduction, oui. Est-ce que l'aventure réclame ou est indissociable du voyage ? Alors, si vous voulez, oui, mais si on prend le voyage aussi au sens métaphorique, c'est ou intérieur. Voilà, un voyage intérieur, une descente en soi, il faut accepter une mobilité qui peut être une mobilité mentale, hein, mais il faut accepter cette mobilité-là. Donc il y a un déplacement. Par contre, le voyage physique n'est pas obligatoire. Vous savez bien que Claude Lévi-Strauss a montré dans Triste Tropique que on peut aller dans des endroits qu'on croyait paradisiaques et être extrêmement déçu dans un premier temps, parce qu'ensuite l'aventure renaît, mais d'une autre manière. Mais le déplacement n'est peut-être pas absolument indispensable. Et pourtant, dans les deux œuvres qui ont été mises au programme, il y a quand même... Ce sont quand même de sacrés déplacements. Hein. L'Odyssée, le périple méditerranéen et puis la remontée du Congo, c'est quand même malgré tout des déplacements. Mais on peut imaginer effectivement une aventure qui soit une aventure à la maison, dans sa chambre. Et de toute façon, on peut voir aussi la vie tout entière comme une aventure, puisque comme dit Jean Kalevitch, ce réclamant de Pascal, entre autres, finalement, une vie humaine qui flotte dans le néant d'avant et dans le néant d'après, elle est elle-même un segment d'aventure formidable, hein, qui est au bord du précipice. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Mais est-ce que l'aventure Pascal Ayoun ne réclame pas sinon un déplacement ou un voyage, mais au moins une sortie ? Jean Kalevitch parle du mythe de la caverne de Platon et en fait une relecture qui change le regard qu'on peut porter sur elle. Oui, parce que il y a une chose qui est étonnante. Donc, si je comprends bien ce que dit Jean Kalevitch, Platon, c'est sortir du mouvement illusoire de la caverne, hein, de cette agitation qui règne, ces ombres qui ne cessent de bouger. Et on sortirait de cette fausse vie pour arriver à la contemplation immobile, des idées, voilà, de cette lumière, surtout de cette lumière aveuglante, mais justement aveuglante. Alors que peut-être, et c'est ce que fait Jean Kalevitch en inversant un peu l'interprétation, la vraie vie, ce serait l'agitation de la pénombre, hein, et non pas l'immobilité de ce soleil. C'est pour ça que finalement, comme le dit Malraux aussi dans ce texte qui s'appelle Le démon de l'absolu, l'aventure n'est pas tant éclairée par le soleil que par la torche que tient l'aventurier dans sa main. Est-ce que la science, puisqu'on revient là à votre activité de professeur de littérature dans une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, est-ce que la science est perçue par vos étudiants comme une aventure ? D'abord, est-ce que c'est une aventure selon vous ? Et est-ce qu'elle est perçue à juste titre de cette façon ? Non, la science est incontestablement une aventure. On est constamment projeté vers l'étrange, vers le nouveau, vers le noir, hein, qu'on essaye d'illuminer. Mais pour les élèves, l'aventure scientifique, je pense qu'il y a quand même une pression dans les années de préparation qui fait qu'on perd un peu la dimension poétique de la chose. Par contre, ce qui est amusant, c'est de voir comment, à travers un cours comme le nôtre, ils peuvent réinterpréter leur passage par la classe préparatoire. Et un élève m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, pour moi, l'Iliade, la guerre de Troie, c'est la classe prépa. Et l'Odyssée, c'est le moment où on pourra enfin choisir librement et on pourra... Alors, expliquer. Alors, l'idée, c'est que la guerre de Troie, c'est la prépa. Alors, je lui dis, oui, mais alors, l'ennemi, c'est qui dans cette affaire ? Est-ce que c'est l'éducation nationale ? Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est les profs ? Est-ce que c'est... Les correcteurs. Les correcteurs, les autres élèves, hein, dans des concours. Une élève m'a soufflé, c'est peut-être nous-mêmes hein, le véritable ennemi dans cette affaire. Et donc l'idée, c'est que on entre en classe préparatoire parce qu'on n'a pas trop le choix, bizarrement. Alors il y a des déterminismes, peut-être familiaux, sociaux. Alors que l'Odyssée, c'est justement la part de liberté, même si encore une fois, hein, il faut voir que Ulysse est entièrement manipulé par les dieux. Hein. Mais l'aventure, c'est la marque de la c'est l'expression, c'est l'occasion pour ma liberté de s'exprimer. Voilà. C'est ce qui fait que je vais transformer mon destin en destinée, comme le dit Jean Kélévitch. Si je reste dans mon présent confortable, eh bien ce qui m'attend, c'est la mort. Toutes les avenues mènent vers la mort, dit-il. Alors que, à travers l'aventure, je pourrais créer quelque chose de nouveau, comme Gauguin et Rimbaud l'ont fait, c'est-à-dire forger peut-être ma destinée. Est-ce que c'est ça la véritable définition de l'aventure, à partir de tout ce qu'on a dit, des œuvres, mais aussi d'autres considérations venant d'autres auteurs qu'on a cités? Est-ce qu'on arrive à finalement caractériser ce qu'il y a d'universel dans l'aventure? Moi, je dirais que ce serait ce cœur qui bat. Voilà, je terminerai comme ça. Je dirais que l'aventure, c'est ce qui fait battre le cœur. Mais est-ce que ça ne met pas le seuil trop bas? Il y a une définition qui est donnée par Jacques Rivière, l'ami d'Alain ouais. Fournier. Un texte de 1913, il dit ceci: l'aventure, c'est ce qui advient, c'est-à-dire ce qui s'ajoute, ce qui arrive par-dessus le marché, ce qu'on n'attendait pas, ce dont on aurait pu se passer. Mais là, on a l'impression que le seuil de déclenchement de l'aventure est très très bas. Il est très bas, mais justement, c'est ce dont on aurait pu se passer, mais qui se révèle au bout du compte l'essentiel. À condition qu'on lui donne du sens, peut-être par le récit d'après-coup, effectivement. Mais l'aventure, c'est cette chose extraterritoriale et apparemment futile et capricieuse qui finit par se révéler le cœur de l'existence. Alors maintenant, je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure et vous m'avez dit qu'on la traiterait plus tard quand on aurait discuté de l'aventure. Est-ce que votre métier, votre activité relève de l'aventure, du coup? Est-ce qu'il y a du surgissement d'avenir dans vos cours? Est-ce que vous avez des surprises? Si vous voulez, la chance que j'ai en tant que professeur de lettres dans ces classes préparatoires, c'est que, comme je vous ai dit, le thème change chaque année et qu'il y a donc pour nous, tous les ans, surgissement d'un nouveau. Surgissement, voilà. Si je vous dis que le thème de l'année prochaine est l'amour, voilà, vous imaginez le territoire qui s'ouvre à moi. Et bah, vous allez pouvoir corréler les deux sujets. Sans problème. L'amour, c'est quand même une sorte d'aventure. Voilà, et le corréler aussi avec le thème de l'an dernier sur la servitude et la soumission, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est une aventure pour vous, de tous les matins? J'ai la réputation d'être quelqu'un d'optimiste et qui est parfois même un peu trop, donc j'ai la tendance à voir du beau là où peut-être il n'y en a pas. Mais oui, je vis ma temporalité sur le mode quand même du plaisir et de l'intensité, même s'il y a des phases de redescente. Et tout le monde sait que corriger des copies n'a rien d'aventureux ou d'aventurier, même si vous passez de temps en temps, de surprise en surprise, et découvrez certains abîmes que vous avez envie de réparer. Mais en dehors de ces moments qui sont des moments un peu plombants, c'est un peu l'attente dérivée par Marlowe dans Au cœur des ténèbres. Il y a un plaisir évident à faire court, ça c'est sûr, à aller en cours. Et ça reste, ça passionne le temps, justement. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une incantation aujourd'hui à vivre des aventures? Est-ce que cette notion ne se galvaude pas? Et est-ce qu'on ne la vend pas au rabais oubliant les critères que vous avez développés, notamment ceux de Jean Kélévitch? Moi, je suis personnellement un grand défenseur de l'aventure et des aventures. Donc, on va pas s'enfoncer dans le détail, mais je pense que il faut vivre des aventures, il faut choisir le risque de l'aventure, le risque de la rupture, le risque du nouveau, le risque de... Il faut tenter des choses et à la fois s'y investir et en même temps y être fidèle. Il y a cette manière à la fois de choisir le nouveau et puis d'intégrer le nouveau dans le tissu de son existence. Voilà. Vous préférez Ulysse ou Marlowe? Pascal Ayoun. Je me sens plus proche de Marlowe, peut-être. J'aime bien son ironie, j'aime bien son à la fois son aspect désespéré, un peu fragile, et puis en même temps sa capacité à rebondir à chaque fois, puisqu'il repart à chaque fois, alors que ses compagnons sur la Tamise. Hein. Le roman commence par la réunion sur un bateau et en attendant que la marée reflue, Marlowe va divertir ses compagnons en racontant justement ce qui lui est arrivé il y a quelques années au Congo. Et ses compagnons, eux, se sont installés, c'est d'anciens marins probablement, mais devenus juristes, comptables, directeurs. Et lui, Marlowe, c'est celui qui est tout le temps, on le sent, l'errant, prêt à repartir. Alors, je suis pas un grand errant, hein, moi qui suis encroûté dans la vie parisienne, mais je crois que dans ma tête, oui, je continue à vagabonder. Est-ce que vous connaissez Pascal Ayoun, l'anagramme de Voyage au bout de la nuit ? Allez-y. Et la vie a un goût de boyau. Bon, bah écoutez, on termine là-dessus. Oui, merci d'être venu nous expliquer comment l'aventure est bel et bien un objet de pensée. Merci Pascal Ayoun. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Célia Dufour et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.